Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Voilà, je suis ici aujourd'hui, vous m'entendez bien ? Ouais. La démocratie, principalement la démocratie directe. Donc, la démocratie, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière, un fonctionnement des institutions, énormément de choses, une structure qui nous permette de faire cohabiter nos différentes représentations du monde, qui sont issues de nos perceptions. Donc chacun de nous a sa propre représentation qui s'est construite sur ses perceptions, donc qui fait quelqu'un de unique. Donc cette unicité, elle crée un problème, c'est que chacun a des intérêts différents, des objectifs, des choses à faire, gagner de l'argent, etc. Mais que dans tout ça, on doit réussir à cohabiter et vivre ensemble. Donc comment arriver à faire ça ? Le meilleur moyen qu'on ait trouvé, ou comme disait Churchill, c'était le moins mauvais, c'est la démocratie. Donc la démocratie telle qu'elle est pensée, ici en France, qui n'est pas mon pays, vous aurez peut-être reconnu mon accent, elle est très indirecte. C'est-à-dire que vous votez pour des gens qui décident des trucs ou qui vont voter d'autres trucs. Mais en fait, vous, personnellement, vous n'êtes pas plus que ça impliqué sur les questions de fond. Et donc, sur ça, ça crée un... Ah, pardon, il y a une critique acerbe sur ma gauche. Donc, ça crée une sensation de déconnexion, on est d'accord. Donc, cette déconnexion, elle provient du fait que le terme français est galvaudé, donc tout le monde l'utilise à tort et à travers, les Français ci, les Français ça, mais en fait, on n'en sait rien du tout. Parce que les seuls moyens d'avoir les connaissances, de savoir ce que les Français veulent, c'est les sondages et les votes indirects. Donc, quand vous votez pour quelqu'un, la France est plutôt à gauche ou plutôt à droite, mais on ne sait pas ce que les Français, qui sont pourtant un terme qui est utilisé à tort et à travers dans les médias, pensent. Donc ça peut se faire très simplement à travers un vote direct, c'est-à-dire une question posée à tout un chacun, et tout un chacun y répond. Donc il faut penser, à mon avis, pour réduire cette fracture qu'il y a entre les élites et les Français, tout simplement, une structure qui permet d'agréger cette indirecticité, je dirais, et surtout qui au-delà d'être une possibilité de répondre directement à une question, c'est surtout un contrôle sur les élites. Parce que le simple fait de créer une structure telle que celle-ci génère que les types qui décident en haut sont obligés de se poser la question à deux fois, vu qu'on va leur tomber sur le coin de la gueule avec un référendum, par la suite ou pas. Donc, dans cet esprit-là, il faudrait simplement mettre en place, donc il y a différentes structures qui peuvent être au niveau national, c'est ce qu'on pense, parce que là on est à la République à Paris, mais en fait ça peut être très simplement fait au niveau local, au niveau des communes, donc le nombre n'est pas vraiment une excuse pour ne pas le faire. Donc on pourrait imaginer tout simplement que s'il y a 5% de la population française qui réunit sa signature sur un texte, quel qu'il soit, un projet, une loi, que sais-je, ça oblige tout simplement tout le monde à voter sur la question. C'est extrêmement simple et faisable. Donc ça permettrait pour la France d'avoir un renouveau démocratique, enfin simplement l'agrégation de nouvelles idées. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Si on ne peut pas faire ça, ben on ne peut pas apporter de nouvelles idées. C'est que les élites qui décident quelles sont les nouvelles et les bonnes idées, entre guillemets, à avoir. Et ça empêche plein de choses, comme je prends l'exemple du revenu de base inconditionnel. Vous l'avez compris, je suis suisse. Nous votons sur ça le 8 juin. Donc c'est un référendum qui a obtenu 100 000 signatures. Donc les élites ne l'auraient de toute façon pas fait toutes seules. Et on vote le 8 juin sur la question. À mon avis, en toute honnêteté, ça ne passera pas parce que les conservateurs vont faire peur à tout le monde en disant que l'économie va s'effondrer instantanément. Mais disons que le simple fait de pouvoir le faire met la pression sur les élites et permet d'apporter des nouvelles idées qui ne verraient pas le jour, tout simplement, si on n'était pas là. C'est pas sur le télé 100 000 signatures. comment on peut encore améliorer ça? Alors, j'ai pensé un peu à la... J'habite en France depuis maintenant 4 ans. Et... Pardon, excusez-moi, à chaque fois j'interviens quand je passe. Non, non, je réponds à la question. On reste sur la question des signatures. On reste sur la question des signatures, mais comme tout à l'heure, en fait, j'interviens en passant, c'est pour ça que je m'excuse. À chaque fois, je passe, j'entends et j'interviens. Et donc, en fait, le problème des signatures, il faut commencer, nous-mêmes occidentaux, à se poser des questions. Parce que depuis qu'on a inventé la philosophie, on a l'impression d'avoir inventé la sagesse. Et donc, on est en train de penser que l'on surpasse les peuples anciens. Tout à l'heure, on parlait de la religion. Et les livres dits saints ont détruit les livres, nos lectures de livres dits sages. C'est-à-dire que en adaptant des textes de sainteté, parce que nous étions ceux qui avaient ces textes et les gens les plus gentils du monde, on oubliait chacun leur passé et leur histoire de sagesse. Donc, on en arrive aux signatures. C'est... toujours un problème intellectuel où, de par la philosophie, donc notre manière de penser qui n'est plus proche de la nature et proche de l'humain et des ressentis, on en arrive, par exemple, pour la France-Afrique, à se demander est-ce que c'est bien de tuer des gens au nom de ceci, cela, et au lieu d'agir comme on agit par rapport aux gens qui sont morts l'été dernier sur le territoire français, on fait de la philosophie. Et on essaie d'expliquer, de comprendre la situation donnée. Donc maintenant, on en arrive aujourd'hui à chaque question, chaque questionnement. Est-ce qu'on doit agir ou est-ce qu'on ne doit pas agir? Nos peuples, on doit représenter la pensée de nos élus. Comme en économie, tout le monde sait 1 plus 1 égale 1, 2 plus 2 égale 2. Mais il y a toujours un expert en économie qui va nous expliquer que l'inflation, la surplation, je ne sais quoi, fait que... Et donc on arrive, nous, à perdre notre sagesse et notre pensée. Donc maintenant, à chaque problème, on va faire des pétitions. Donc pour pouvoir régler un problème, on va faire une pétition. Si ton voisin tape sa femme et qu'elle a mal, tu dois aller à la mairie faire une pétition pour demander aux gens de l'immeuble que le voisin ne tape plus la femme. Donc je pense qu'on doit repenser, que ce soit en économie, que ce soit en pensée ou dans nos actes, notre façon d'agir. Nous sommes ce que l'on fait et donc je suis ce que je fais. Et nous faisons des pétitions. Est-ce que c'est parce que la situation est inhumaine ou inacceptable, ou c'est parce que nous, peuple d'Occident, nous devons réfléchir à savoir ceci, cela. Donc j'espère que je me fais comprendre, j'espère que en 2 minutes c'est toujours court de se faire comprendre. Mais est-ce que la signature, c'est beaucoup plus simple que l'action? Merci beaucoup. Alors je vais reprendre la question des signatures, premièrement. Donc sur les signatures, comment on fait? On est coincé, mais en fait on n'est pas vraiment coincé. En France, j'ai remarqué que ce qui fait foi chez vous, c'est la facture EDF, si je me trompe. On le demande partout. Oui. Alors si on a une facture EDF, ici en France, on existe. Si on n'en a pas, on n'existe pas. Donc pour la plupart des choses que vous allez faire dans le monde administratif, ça compte. Donc, si on prend simplement qu'une photocopie de la carte d'identité plus une facture EDF, vu qu'on est en France, on peut très bien avoir la signature validée. EDF le valide. C'est comme ça que fonctionnent les institutions ici en France. Je crois que c'est EDF qui fait foi. Donc, à partir de là, ce serait assez simple d'avoir chacun une photocopie de sa facture EDF et signer un papier avec son numéro de carte d'identité, etc. Je vois pas tellement de complications extrêmes là-dedans. Après, il faut demander à EDF s'ils veulent bien contrôler ce qu'on fait, quoi. Oui. Voilà. La personne qui est en face de vous. 2 minutes. J'ai un mot à dire. Est-ce que c'est possible qu'un bronzé parle? Ne me touchez pas. 30 secondes. Voilà la personne qui a dit comment obtenir en fait des signatures, inciter les gens à venir adhérer à une idée de la soirée au debout ou de n'importe quelle idée, on va dire. Bon, on va prendre un exemple simple. Hein. Obama, ce qu'il a fait, il a fait la prospection téléphonique et aussi Internet. Il n'y a pas d'autre solution. Pour pouvoir amener énormément de gens à une idée quelconque, hein. Moi je ne suis pas dans l'idée, mais voilà quoi. Maintenant, il faut avoir des professionnels, il faut que ça soit hyper sérieux, qui sont là présents et qui téléphonent à toutes sortes de gens, aux artisans, aux vieilles, aux vieux, à tous ces organismes, et qui insistent à avoir leur signature tout simplement. D'ailleurs, on envoie un courrier. Après l'appel, il y a un courrier pour confirmer que ce n'est pas une plaisanterie. Il suffit après de signer et d'envoyer, comme il a dit le Suisse. Non, mais en plus, là, ils n'aiment pas. Vous savez, les Français, ils n'aiment pas déballer leur vie privée, ce qu'ils payent comme cabinet, ce qu'ils payent comme os. Déjà, une signature, c'est beaucoup pour un Français de l'obtenir. Donc, on ne demande rien. On demande juste une signature et une adresse quand même, ou une adresse email, ou je ne sais pas comment vous dites. Voilà. Donc, le seul moyen d'avoir beaucoup de signatures, c'est déjà de commencer ici, premièrement, faire la liste ici, parce qu'il y a quand même un petit peu de monde. Hein. Si on compte entre nous, on est à peu près 100. Donc, c'est un bon départ. Hein. 100, on rajoute un 0, ça fait 1000. On rajoute un autre 0. Là, les 0, ils comptent. Hein. Donc, un 0, c'est un O. Voilà, ça peut commencer maintenant, tout de suite. À l'instant, il suffit d'un stylo, une feuille, et on fait la queue leu leu, et on signe pour l'amour de la paix. Voilà. Merci pour l'intervention. Donc, oui, effectivement, moi, à ce que je voulais en venir, c'était à peu près ça. C'est que finalement, on peut le faire à l'échelle nationale et voir toute la complexité des institutions de validation, etc. À mon avis, dire que c'est pas possible, c'est une grosse connerie, parce que tout est plus ou moins faisable. Je vois pas de gros obstacles. Il y a deux manières aussi qu'on peut penser. Donc, c'est la première, c'est la faire justement à l'échelle de Nuit Debout. Donc, comme vous l'avez senti avec la personne qui est intervenue juste là, se pose la question du thème. Donc là, on est sur l'amour et la paix. Ça, tout le monde est d'accord. Mais il faut que des gens se mettent d'accord sur un thème, pensant que, enfin, il y a une difficulté quand même, pensant que ce thème va donner envie à un certain nombre de personnes de signer cette requête, on va dire. Donc c'est un processus quand même relativement complexe, mais qui permet d'agréger pas mal de volontés, surtout de les valider. Un vote, c'est une validation de quelque chose. Donc, si on reprend ici Nuit Debout, donc là, comme il l'a dit, on est peut-être 200. Si on compte sur la place, on doit être quoi, 3000. Mettons 3000. On dit 10%, ça fait qu'il faut 300 signatures pour que ce soir à l'AG, il y ait un vote, donc formel, etc. C'est adopté. Et là, sur ça, on peut s'appuyer. Sur ça, on peut communiquer. C'est quelque chose qui existe. Au-delà de la question de la formalité des signatures, il y a aussi tout ce qui est numérique. Vous savez qu'on est tous hyper connectés en tout point. Il doit y avoir un moyen de faire, je ne sais pas si c'est par SMS, mais en tout cas une application, quelque chose qui permet de voter tout simplement à distance. Oui, il y a une question. Je suis désolé, je veux juste revenir sur quelque chose de basique dans ce débat-là de la démocratie. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on veut d'une démocratie ? Pourquoi est-ce que la démocratie, c'est nécessaire ? Ça, c'est déjà un point qu'on peut discuter. Parce que voilà, la démocratie, c'est quelque chose qui marche déjà. On a des expériences scientifiques, des types qui sont venus, qui ont vu qu'une communauté arrivait à un résultat... Je vais vous raconter l'histoire... Vous allez voir, elle est géniale. C'est monsieur, je sais plus quoi, un aristocrate anglais au cours du XXe siècle, qui se balade dans une fête foraine. Il voit un éleveur qui fait un projet, qui a son bœuf juste à côté, et qui dit, devinez le poids du bœuf si la journée gagne un prix. Bon, donc il y a plein de personnes qui viennent, et des personnes qui connaissent absolument rien au bœuf, qui mettent un truc sur un papier, donc en estimant par rapport, ils connaissent leur poids, ils regardent à peu près eux par rapport au bœuf, ok, je pense que le bœuf il fait à peu près 6 fois mon poids, bon, et ils essayent de deviner. La personne qui a gagné était à 5, donc c'est des livres, à 5 livres près du poids réel. Ce type en récupérant toutes les informations, en faisant la moyenne de toutes ces informations de type qui connaissait absolument rien, la moyenne était à 2 livres du poids réel. Donc par cette expérience, et qui a été reproduite plein de fois, qui est documentée, etc., on voit qu'une communauté de personnes qui ne connaissent rien à un sujet peuvent arriver à une conclusion très proche d'un résultat qui serait idéal. Bon. Donc ça c'est pour la démocratie. Ensuite, il y a plusieurs choses. Il y a des choix qui peuvent être moraux, il y a des choix qui peuvent être de bon sens. Il y a des choix qui peuvent être de logique et il y a des choix donc de logique, je veux dire qui font appel à de la science exacte, et des choix qui peuvent faire appel aux convictions, c'est-à-dire à des sciences inexactes comme l'économie. Donc pour les choix moraux, on sait que la morale évolue très vite. Le bon sens, c'est du bon sens, c'est pas mettre son chat dans la machine à laver, c'est du bon sens quoi. Et il nous reste les sciences exactes et puis les sciences inexactes, c'est-à-dire l'économie. Donc je pense, tu vas m'arrêter si je me trompe, que ce choix de choisir une démocratie, de vouloir une démocratie, elle se porte sur ces choix-là, des sciences inexactes, de l'économie, de tout ce qui est, enfin voilà, tout ce qui est sciences inexactes, des sciences de corrélation. Et des sciences politiques, etc., etc. Et c'est là où doit se porter la démocratie, et pas sur les sciences exactes, qui, enfin, c'est mon avis, mais on peut critiquer. Par exemple, pour la médecine, qui est une science exacte, vaut mieux faire une technocratie où c'est les médecins, où c'est les experts, etc., qui s'y connaissent, qui prennent des décisions, que de faire une démocratie, ou enfin voilà, bref. Et donc voilà, pour moi, ça serait ça. La démocratie se porte sur les sciences politiques, économiques, etc. Les sciences inexactes. Voilà. Bah, parce que je suis pas vraiment très d'accord, parce que donc tu dis, si j'ai compris, hein, on devrait avoir une technocratie pour certains sujets dans les sciences exactes, par exemple, dont la médecine. Mais ça pose question, parce qu'il y a la question de la morale, parce que dans toutes ces sciences-là, parce que déjà t'as commencé avec donc ton argument du bœuf, et donc on estime tous le poids du bœuf, et si on fait la moyenne de toutes nos estimations, on tombe sur la bonne réponse. En soi, ça devrait dire que ça c'est une information qui existe, qui est empirique. C'est empirique, le bœuf il fait 500 kilos, et donc voilà, on y est arrivé. Donc en soi, dans les sciences dures, la démocratie ça marche, d'après l'argument. Moi, je considère qu'on peut, pas appliquer une technocratie aux sciences dures, parce que la façon dont on applique les sciences dures met en jeu la morale. Je prends un exemple, la médecine. On dit, bon d'accord, tout ce qu'on décide en médecine, c'est les médecins qui vont décider. À la mars, aujourd'hui, les médecins ne sont pas d'accord s'il faudrait, je sais pas, faire l'avortement. Voilà, je prends un exemple un peu en Amérique, il y a des médecins qui veulent pas avorter, qui veulent pas faire avorter les femmes. En Europe, il y en a qui veulent pas faire avorter les femmes. Très récemment, en France, il y a une pharmacie qui est poursuivie en justice parce qu'elle refuse de donner la pilule du lendemain. Alors que normalement, c'est légal. On peut pas donner la technocratie. On peut pas accepter une technocratie parce que à tout moment, on va être obligé de faire entrer une question morale. Et donc, comment est-ce que tu choisis qui c'est qui va décider ou non? Et donc, effectivement. On va pas tous décider ensemble, peut-être, comment est-ce qu'on va pratiquer éthiquement, est-ce qu'on met d'abord tel produit ou d'abord tel produit, parce que ça, on en sait peut-être rien. Par contre, la question de si on devrait la faire tout court ou pas, moi je pense que oui, mais ce sont le genre de questions qu'il faut débattre en société et qu'on va pas laisser le choix des technocrates. Encore le point de vue mathématique, pour un mathématicien, il y a deux sortes de sciences. Il y a les sciences dures, les seules, la vraie, les mathématiques, et le reste, c'est du blabla. Donc, effectivement, je me souviens encore de mon prof de maths, qui de temps en temps nous faisait, bon allez, on va faire des mathématiques démocratiques, à propos de la réponse, et puis bon, une fois sur deux, c'était faux. Et en revanche, je suis pas tout à fait d'accord de comme ça permettre à l'économie gentiment de devenir une espèce de science qui est inexacte, etc. Pour moi, l'économie, c'est plutôt la construction d'un discours pour nous expliquer des choses, mais c'est très opaque. Ça n'a rien à voir pour moi avec une science. C'est au moins mélangé avec un discours et je sais pas trop. Moi, enfin, après, il y a le marxisme, etc. Mais après, vous avez des sciences qui sont des sciences qui progressent par l'expérience, comme la physique. J'aimerais que l'économie progresse par l'expérience, et voilà. Si vous voulez répondre, par contre, on va essayer de revenir sur la question de la démocratie et pas partir sur la question de qu'est-ce que c'est. Je vais répondre sur la démocratie, et puis sur la. En fait, pour moi, on n'est pas dans une démocratie, on ne sera jamais dans une démocratie parce que, en fait, on l'est déjà depuis 1746, et on nous demande toujours d'élire des maîtres. Donc, on est dans un système, que ce soit démocratie ou monarchie, on nous demande toujours d'élire des maîtres, il y a toujours des gens au-dessus de nous qui nous mènent à la guerre, comme la première, la deuxième guerre mondiale et tous les problèmes qu'il y a, etc. Donc il n'y a pas d'économie, il n'y a rien là-dessus, en fait. Tous ces problèmes-là scientifiques, ça n'existe pas. La science, c'est le savoir, la compréhension de l'univers, de notre existence, tout ça, c'est beau. La médecine n'a rien à voir avec la démocratie, mais enfin, après, Je voulais dire quoi là? Ben, le problème c'est quoi? C'est que l'être humain est un égoïste. Il y en a qui ont plusieurs milliards qui dorment dans des paradis fiscaux et nous on est foutus quoi. Donc, et ces gens-là veulent désigner notre avenir. Donc la seule solution c'est de désigner ici un leader, ici par exemple, de faire un parti comme Podemos en Espagne et de le pousser pour qu'il aille se présenter aux élections qui approchent et de mettre une belle pression pour ce gouvernement-là, dire que nous on va pas se laisser faire et désigner des maîtres toute notre vie, on n'est pas des agneaux ni quoi que ce soit. Et puis après, il faut installer une démocratie participative. Comme on est en train de participer ici au débat, il faut installer ce genre de choses. Et ça pourrait changer les choses. Mais dans une démocratie, on est là depuis un siècle et demi. Et ça ne change pas grand-chose, en fait. Merci. Donc là, on voit que le débat tombe sur la démocratie et qu'est-ce qu'elle peut décider et qu'est-ce qu'elle ne peut pas décider. Simplement, la démocratie permet de décider. Et la façon dont on décide, et ça, en fait, la véritable question... Si une démocratie, la France est une démocratie, donc le système fait qu'on délègue la décision à quelqu'un qu'on considère comme un élu qui prend lui la décision, ou soit on se pose la question nous-mêmes et on décide nous-mêmes, c'est ce qu'est la démocratie directe. Après, la démocratie n'a pas toujours raison. Le peuple, aussi bon soit-il, peut se tromper. Il y a beaucoup de votes qui sont complètement cons, enfin, excusez-moi du terme, en Suisse sur différentes votations, je prends la thématique de l'immigration typiquement. Le peuple peut vraiment se faire influencer, mais vraiment de manière très claire, par l'argent qui est investi dans tout ce qui est publicité, marketing, politique, blablabla. Mais n'en reste pas moins que le décalage qui est entre les élites et les gouvernés est beaucoup moins fort qu'en France où, comme il l'a dit, finalement une démocratie, ça change pas grand chose du fait qu'on va élire quelqu'un qui sera notre chef, donc ça ne change rien. Et en ça, la démocratie doit justement faire plus. C'était un bon outil à l'époque où elle a été construite, mais aujourd'hui, on est en 2016, faut juste adapter, avancer, quoi. C'est tout simplement. Mais c'était par rapport à l'économie, je veux juste rebondir. Parce qu'il y a l'économie, puis il y a les économistes. Puis l'économie, c'est quand même... Il y a des choses intéressantes dans l'économie. Il faudrait peut-être les utiliser. Comme par exemple la pyramide de Maslow, qui dit qu'on n'atteint jamais un besoin supérieur tant qu'on n'a pas comblé son besoin inférieur. Par exemple, quelqu'un, il a pas dormi, il va pas réfléchir à s'acheter des super habits de marque ou je sais pas quoi. Il va réfléchir à dormir. Ça, par exemple, on l'utilise pas. On n'utilise pas, on va pas chez l'assistante sociale lui dire, dis donc, la pyramide de Maslow, elle dit que moi j'ai besoin d'un logement, bah, sinon je vais jamais réussir à travailler. Non, on va travailler. Bah, utilise la pyramide de Maslow. Il n'y a pas que les économistes. Attention, il y a l'économie. Merci beaucoup. Pour toucher en ce qui concerne l'économie, donc, pour moi, l'économie, c'est simplement une science humaine qui étudie des humains et qui a tous les problématiques des sciences humaines, donc c'est sciences molles, on fait du mieux qu'on peut, on fait des modèles, on essaye de trouver des combines pour expliquer des choses, mais on n'est pas dans des sens... Gros coup de vent. Toutes mes excuses. Donc j'en étais où? Oui, sur l'économie. Mais revenons à la démocratie directe et la construction de celle-ci. Je pense effectivement que Nuit Debout pourrait mettre en place assez aisément un comité qui s'occupe de ça, quoi, tout simplement, qui réunit les idées, qui compte les signatures. Quand il y en a assez, ben, on vote. Et puis quand le vote est décidé, ben, on va de l'avant, quoi. Je sais pas si vous avez une question. Non? Est-ce que quelqu'un a des questions, des suggestions, des idées? Moi, ma question, c'est par rapport à la démocratie directe. J'ai le sentiment que, comme ce que disait la personne tout à l'heure sur l'avortement, il y a toujours un niveau où on va être obligé de déléguer. Il parlait par exemple de quel produit on va utiliser pour faire un avortement. Clairement, c'est du domaine du technique. Et il y a une solution qui est probablement mieux que l'autre, je ne sais pas. mais on va choisir le niveau de délégation, mais on peut aussi mettre ça au vote. Mais le souci, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une masse de décisions tellement importantes à prendre dans la construction d'une vie commune, dans la construction d'un État, d'une ville, ou, etc., qu'on ne peut pas tout mettre au vote, parce que sinon, on va passer nos journées à voter. Et donc, la question, c'est, pour moi, dans la démocratie directe, c'est quel est le niveau de délégation qu'on va accepter. Et de toute façon, on n'arrivera jamais à une véritable démocratie directe, étant donné qu'on ne pourra pas tout mettre au vote, je pense. Oui, alors, tout à fait, sur ce point-là, je pense que tu as parfaitement raison. Le but n'est pas de faire une démocratie directe, enfin, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. L'idée, ce n'est pas qu'on vote sur tout, c'est juste que là, il n'y a pas du tout de votation directe, c'est que de l'indirect. Donc la plupart des systèmes actuels, les démocraties, on va dire, occidentales, sont des systèmes indirects. Même aux États-Unis, on croit que c'est direct. Pour le président, en fait, c'est indirect. Ça passe par des grands électeurs. Et donc, il y a certaines questions qui doivent rentrer dans le direct. Et pour plein d'autres choses, ben, y a des gens qui sont payés pour ça. Alors, généralement, c'est la Constitution qui le détermine, tout simplement. Justement, c'était l'intervention que j'essayais d'avoir avant. Je me suis peut-être mal exprimé là-dessus. En fait, c'est justement, en essayant de dire, science molle, science humaine d'un côté, et science dure, morale et bon sens, ces quatre catégories-là, j'essayais de dire en fait que, a priori, la démocratie directe devait s'appliquer aux sciences humaines, aux sciences molles, ce qui pouvait faire débat. Voilà. Enfin, c'était ce que j'essayais de dire. Et puis cette question de morale, en fait, il y avait le truc de l'avortement, etc. C'est une question très compliquée. Et je pense pas qu'il faut l'aborder ici. C'est vraiment une question compliquée qui mériterait un. Mais voilà, pour moi, en tout cas, si on parle de questions de démocratie directe, c'est sur ces questions de sciences humaines, par exemple. Pour une décision d'entrer en guerre, ça serait une décision de démocratie. Pour la question de comment on fait la guerre, ça serait une décision de pas de démocratie, parce qu'on sait pas comment on fait une guerre. Enfin voilà, par exemple, ou d'autres trucs. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête. Voilà. Oui, alors pour moi, la démocratie, en fait, c'est avoir le choix et pouvoir l'exprimer. Pour moi, je pense que ici, on est tous en train d'essayer de réfléchir à comment remettre en place un système. Enfin, j'en ai l'impression. Et il faut partir de la base et de savoir de quelle manière on va l'exprimer. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Et sur quoi vous avez envie de vous prononcer. Par exemple, il faut avoir le choix. L'exemple de l'avortement, à mon sens, est très très intéressant, de savoir si on a le choix d'avorter ou non, et avec quel produit. Pourquoi pas dire, voilà, vous avez le choix entre tel et tel produit, et la personne qui va devant le médecin, qui a le souhait d'avorter, choisit le produit dont elle a envie, pas fermer le choix et le rendre strict à tous. Pour moi, c'est ça la démocratie, c'est de laisser le choix et d'évoluer en fonction du choix de chacun, dans la limite du respect des autres. Voilà. Je suis vraiment désolé, je suis un peu contre vous là cet après-midi, mais pour moi l'avortement, la femme elle est féconde que deux fois par mois, je crois. Je connais pas le corps de la femme. Non mais excusez-moi, d'accord. Donc en fait, en définitive, c'est pas une question de prise de médicaments, c'est une question d'éducation, d'apprendre aux jeunes femmes aussi, etc. C'est une question d'éducation pour pas que les femmes se reproduisent. Pour pas qu'elle tombe enceinte n'importe comment. C'est une question d'éducation. C'est pas une question de médicaments. Repart sur la démocratie. D'accord. Alors on reprend sur la démocratie. Se pose la question de oui, on vote sur quoi? C'est ça la question qui ressort. Donc sur quoi on veut voter? Ben tout simplement, si vous arrivez à convaincre X milliers de personnes, donc ça c'est la construction de la structure démocratique, donc là il y a une décision de fond à prendre qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, serait notée dans la Constitution. On décide qu'il faut, on sait rien, 1 million de signatures sur un thème pour qu'il y ait votation. Donc t'as beau avoir toutes les bonnes idées que tu veux, tant que t'as pas 1 million de personnes derrière toi, tu t'es wallou, tu t'as rien. Donc c'est ça qui fait finalement le portail, c'est les capacités que ce que tu veux amener arrive à convaincre plus d'un million de personnes. Si tu arrives à faire ça, on vote. Parce qu'on considère que si tu arrives à convaincre 1 million de personnes, ben ton idée est pas trop conne. C'est que je pense la meilleure moyen de le faire. D'autres interventions, idées? Juste pour préciser que le référendum d'initiative populaire, il a été inscrit dans la Constitution en 2008 par la réforme qu'a menée Nicolas Sarkozy, et que les lois organiques qui sont censées mettre en place ce référendum d'initiative populaire n'ont jamais été votées. Donc c'est un outil qu'on a actuellement dans la Constitution, telle qu'elle existe, mais qu'on ne peut pas mettre en place. Mais qu'on ne peut pas mettre en place parce que il n'y a rien qui a été voté pour pouvoir mettre en place et pour pouvoir. Quelles sont les modalités de la mise en place de ce référendum d'initiative populaire qui est prévu encore une fois par la Constitution? C'est aujourd'hui pas voté. Ben, je trouve personnellement que c'est un scandale, quoi. Et si c'est noté dans votre Constitution, enfin, faut aller au charbon, là. Il faut que ça se fasse, quoi. Bonjour. Donc, je reviens encore sur ces questions. Et c'est ce que j'avais expliqué hier, parce que hier, il parlait du monétaire. C'est-à-dire que on continue à réfléchir sur un socle qui est faussé. Donc, est-ce que nous-mêmes, citoyens du monde, peuple d'Occident, puisque moi, ça fait 40 ans que j'habite en France, donc je me considère comme un occidental, est-ce qu'on ne peut pas repenser et se remettre en cause par rapport à nos prédécesseurs? Est-ce que les symboles et les dogmes et les coutumes mathématiques qu'ils nous ont données pour vivre ensemble sont les bonnes? Donc si on continue à réfléchir et à construire notre avenir qui sont déjà faussés, mensongers et arnaqueurs, c'est-à-dire comment on peut réfléchir et comment on peut avancer ensemble? Donc même si on parle des votes ou autre chose, c'est-à-dire que vote, qui va voter? Qui pourra voter? Comment on pourra vérifier qu'un tel a voté? Pourquoi ne pas revenir comme les Celtes ou tous les anciens de ce monde, c'est-à-dire choisir avec intelligence et sagesse les représentants, mais faire confiance aux représentants. Et les représentants que l'on va mettre en place, ils sont notés. Donc, si on voit que 2-3 votes, ils ont fait n'importe quoi, 2-3 actions, c'est n'importe quoi, ben, ils ont une mauvaise note. Mais on peut pas demander à 70 millions d'habitants, 100 millions d'habitants, à chaque fois, de lever le doigt et de décider un problème. Donc, il faut qu'il y ait un groupement de sages qui soit représentatif et qui ait la confiance du peuple pour pouvoir prendre en charge ces décisions. Que ces groupements soient faits de deux jeunes de 15 ans, deux jeunes de 20 ans, deux jeunes de 30 ans, deux jeunes de 40 ans, deux jeunes de 70 ans et trois anciens. Et on peut dire après, un garçon, une fille de 15 ans, un garçon, une fille de 20 ans, un garçon, une fille. Enfin bref, trouver un moyen pour que les 10, 15, 20 ou 30 personnes qui sont censées voter et décider les lois et décider notre vivre ensemble soient des gens de confiance. Et les noter lorsqu'on voit qu'ils ont fait une mauvaise décision. Et une deuxième mauvaise décision de suite, ben ils sont virés, on les remplace. Moi, je pense à un truc comme ça, quoi. Elle pose la question de qui c'est qui noterait. Ce sont pas des notes comme à l'école. C'est ok, t'as fait n'importe quoi, le peuple il a bien vu, on décide, c'est bon, tu dégages. Je veux dire, il n'y a pas de. Tu vois, par exemple, nous, en Afrique, il y a des pseudo-dictateurs qu'on dit ce sont des dictateurs. Mais je t'assure qu'à chaque fois qu'il y en a un qui délire, le peuple se lève et vient l'enlever. Mais à chaque fois, il y a une armée étrangère qui le protège. Le peuple n'a besoin de personne pour dégager les menteurs. Tu veux dire? Et donc, le peuple, lorsqu'il sait qu'il est dominant, que c'est lui qui décide, c'est lui qui a le pouvoir, et qu'on fait en sorte qu'il n'y a plus d'armée extérieure qui vient embêter le peuple, je t'assure que lorsque les décideurs déconnent, lorsque les votants déconnent, lorsque ceux qui mettent en place le vivre ensemble déconnent, le peuple il vient, il le vire. Ils n'ont même pas besoin de ci ou de ça. Quand ton enfant a faim, quand ton voisin a faim, tu le sais. Et donc tu agis. Il n'y a pas de note, il n'y a pas de. Oui, alors bon, moi personnellement je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que justement, si on élit des sages, ben c'est ce qui est, c'est le système politique actuel. Enfin, vous élisez des représentants que vous espérez pas si mauvais ou pas trop cons pour prendre des bonnes décisions. Et c'est déjà ce qu'il y a à l'heure actuelle. Donc, je vois pas vraiment comment. Enfin, tout est à réfléchir. Mais moi, je pense simplement qu'il faudrait tempérer ces représentants avec du direct, tout simplement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui soit élu de manière indirecte, c'est-à-dire que oui, il faut des gens pour traiter les affaires courantes, des gens qui ont fait des études, qui touchent le, enfin qui comprennent bien les situations complexes, et il faut quand même un contrôle de, et surtout au-delà du contrôle de ce que fait le gouvernant, bah c'est très politique finalement. Qu'est-ce qui est une mauvaise décision ? Enfin, des gens vont trouver ça très bien, d'autres très nul. Donc, ça me paraît un peu complexe à faire. Toutefois, pouvoir apporter des nouvelles idées, je pense que c'est essentiel à la démocratie. Avoir, tu l'as dit tout à l'heure, il y a l'initiative qui est inscrite dans la Constitution qui n'est pas utilisée. Ça veut dire que la marche à suivre doit y avoir un problème quelque part, parce que sinon, tous ces gens que vous êtes ici auraient des idées à faire passer, et des choses à dire et des initiatives à mettre en œuvre. Ouais, le référendum qui est prévu dans la Constitution, en fait, il n'y a pas eu de loi d'application, donc il n'est pas en mesure d'être appliqué, c'est tout. Il y avait la demoiselle grise. C'est simplement pour faire le lien avec l'intervention précédente, c'est que si on parle de démocratie, moi j'ai pas trop confiance au peuple, au peuple aujourd'hui. On n'est pas du tout représentatif là sur la place de la République du peuple français. Donc si on veut parler de démocratie, vraiment, il faut faire de l'éducation populaire. Je suis désolée, je suis pas monomaniaque, hein. Je suis intervenue sur l'éducation populaire avant, mais ça me paraît essentiel. Ça va ensemble. Et voilà, c'est essentiel, c'est-à-dire que il faut éduquer le peuple à, enfin, éduquer le peuple. Qui on est pour éduquer le peuple? On doit s'éduquer ensemble pour être capable de prendre des décisions qui nous conviendraient, nous. Mais on a ce boulot-là à faire. C'est urgent, c'est vital, et c'est d'abord par là qu'il faut passer, parce que sinon, j'ai aucune confiance, hein, vous avez, enfin, vous voyez bien au niveau des élections, au niveau des votes aujourd'hui en France. Donc attention, enfin, ceux qui votent. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que le peuple a toutes les capacités, quoi, de voter. Ça peut être amélioré, mais le peuple peut être... Enfin, il n'y a pas de raison qu'il soit trop con. Faut juste parler devant, comme ça. Non, non, je parle. Ça fait 40 ans que le pouvoir travaille à détruire la dimension communautaire. Si on veut reconstruire quelque chose, il faut restaurer le tissu communautaire. C'est la base essentielle de la démocratie. Après, on verra comment on prend les décisions. Mais c'est à la base, donc sur une base communautaire, qu'il faut reconstruire quelque chose. Justement, par rapport à la confiance, moi je me demande, est-ce que finalement il faut des élus qui peuvent en même temps avoir des entreprises ou faire du commerce? Parce que chez nous, enfin en Suisse, ça marchait assez bien jusqu'à ce qu'un président, tout d'un coup, il pouvait aussi faire du commerce. Et puis alors au début, c'était bien, il défendait encore. Puis après, petit à petit, il s'est dit, mais toute cette population, ça peut venir des employés. Et puis finalement, si je les paye un peu moins bien, c'est pas plus mal pour moi. Oui, ben on a tout le problème du lobbying et de toutes ces contradictions. Là, on arrive presque sur un point qu'on pourrait nommer, dans le cas suisse, sur la corruption. C'est-à-dire qu'un élu qui est en même temps au conseil d'administration d'une entreprise où il travaille un quart d'heure par année et puis qu'il est payé 100 000 balles pour le faire, ça s'appelle pas de la corruption, mais c'est la même chose, quoi. Il y avait un autre... Non, il n'y a pas d'autre intervenant. Je ne sais pas si je veux pas être hors sujet, mais il me semble qu'avant tout, il faut définir un but, là. C'est quoi notre but ? C'est de changer la société ou... Parce que moi, il me semble qu'elle ne nous convient pas, là. Donc, il nous faut définir un but. Et je crois que le but, c'est de créer une société dont l'intérêt principal, c'est le bonheur des individus qui la composent. Quoi qu'il arrive. Donc, on doit utiliser... ce que représente, ce qu'on a autour de nous. Il faut savoir observer la nature et aborder une réalité objective. Et il faut remettre à plat les notions d'égalité, de liberté, toutes ces conneries, en fait. Parce qu'il y a un gros lot de conneries là-dedans. Alors, c'est dommage pour la devise nationale, mais il va falloir remettre ça en question, sinon on va pas avancer, quoi. Mais si le but est de créer une société dans laquelle tous les dont l'intérêt de la société et le bonheur individuel de chaque individu qui la compose, on est bien parti. Mais si on si on n'a pas de but, on dit n'importe quoi en fait, parce qu'on ne fait que tourner en rond, quoi. Donc j'ai des idées. Ouais, c'est juste pour revenir vite fait là, sur ce que tu as dit tout à l'heure avec, je me souviens plus de son prénom, mais de la commission France-Afrique. Donc excuse-moi pour ton... donc vous étiez d'accord, grosso modo, parce qu'il a proposé un système, tu sais, d'anciens, etc. Et toi, tu as dit, finalement, c'est ce qu'on a, ce sont les représentants. On avait déjà eu ce type de discussion, donc je pense qu'il y a un truc qu'il a dit que tu n'as peut-être pas entendu, c'est que ce qui était important, c'est la révocation, justement. Tu vois, on peut effectivement avoir un certain nombre d'experts, on dit on veut éviter l'expertise. Bien sûr qu'on a besoin de gens très éduqués pour gérer les affaires financières, par exemple, qui sont très complexes. Par contre, le peuple, à tout instant, peut très bien dire, ben voilà, un expert, moi, sur ce que j'ai compris, il a deux fois, trois fois, il a vraiment fait des trucs qui ne vont pas. Et là, il faut pas être élu pour cinq ans. Là, voilà, une fois que on est avec les moyens directs de démocratie, ben, je pense que c'est une bonne direction pour dire, ben voilà, tout le peuple effectivement peut voter. On peut tous voter à peu près, bon, on va dire à 90%. Et une dernière chose, bon là, c'est un peu pour casser l'ambiance, c'est que tout à l'heure, donc pendant la même intervention, la personne a dit, mais chaque fois que le peuple, sur ces systèmes où il y a des conseils d'anciens, etc., chaque fois on met quelqu'un en place, mais dès qu'il est bien, il y a une armée étrangère qui vient et qui l'enlève, et voilà. Donc voilà, moi la question que j'ai, c'est comment faire quand même pour avoir un système qui nous défend nous-mêmes. Qu'on le veuille ou non, on est dans un environnement international. Non, mais je sais, ça fout un peu le boulot, parce qu'on n'est plus, voilà, la France. C'est triste à dire, mais je crains qu'on soit, voilà, on est sous cette contrainte-là de devoir à chaque instant quand même devoir défendre notre propre modèle, parce que le modèle a l'air sympa, mais il a l'air d'être complètement, empêché par. Par des armées étrangères. Donc voilà, il faut réfléchir à ça avant. C'était pour moi, tu répondais ? Non, j'ai pas répondu. Et je sais pas, t'as pas dit ce que j'ai dit. J'ai dit un truc représentatif, genre avec une échelle. Bon. Non, je disais tout à l'heure, lorsque j'ai fait mon intervention, et il a dit qu'il n'était pas d'accord parce que ça existait déjà. J'ai bien dans mon intervention exprimé la chose suivante, c'est-à-dire faut que ce soit représentatif du peuple. C'est-à-dire c'est pas des gens comme on a aujourd'hui parlement, je sais pas quoi, mais qu'on pense bien qu'il y ait chaque échelon représentatif de l'existence du populaire. C'est-à-dire même s'il faut mettre deux chiens pour voter, il y aura deux chiens pour voter. Ce que je veux dire, c'est deux jeunes de 15 ans, deux jeunes de 20 ans, deux jeunes de 30. Enfin bref, que dans chaque graduation de la société, l'âge a son importance, parce que quelqu'un de 15 ans, on a tous eu 15 ans, on a tous maintenant 40 ans, et on sait qu'à 15 ans, on n'avait pas les mêmes besoins, les mêmes envies qu'à 40 ans. Donc, à 40 ans, même si on a plus de sagesse, il y a aussi la passion de 15 ans qu'on n'a pas. Et donc, il faut aussi que le passionné de 15 ans, il puisse s'exprimer. Donc, lorsque je disais de trouver un groupement de sagesse représentatifs en qui on ait confiance et qui sont notés par le peuple, il faut comprendre que c'est pas comme on a aujourd'hui bon, vous voyez le parlement comment il est constitué et les autres choses, mais qu'on nous-mêmes, le peuple, on décide ensemble et on pense ensemble que les personnes qui vont penser, qui vont réfléchir à la décision soient représentatifs non seulement du peuple mais de chaque échelon du peuple et de chaque pensée. C'est-à-dire qu'on peut mettre deux SDF, parce que tout le monde a le droit d'être SDF, et deux milliardaires. C'est-à-dire que il faut que ce soit égalitaire pour que tout le monde réfléchisse ensemble. Parce que l'important, c'est le dialogue et de réfléchir ensemble. Donc celui qui vote, il a voté après avoir passé trois nuits à discuter la bonne décision et la bonne pensée. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire changer la façon même de décider, la façon de réfléchir à la décision. C'est là où je voulais vous dire. On a un tour de parole, mais voilà, on a eu un débat mardi ici à Éducation Populaire sur justement le tirage au sort et les assemblées populaires qui étaient issues de ce tirage au sort et des expériences qu'il y a eu par rapport à ça notamment en Islande, qui ont écrit leur constitution avec des tirés au sort, et dans d'autres pays que j'ai oublié exactement les exemples, mais voilà, en gros, ça existe déjà. Alors, voilà, bon, je dis ça. Irlande et Canada, tout à fait. On a madame, puis madame. Allez, elle avait levé la main avant. Je suis désolée, je ne vais pas rebondir sur le sujet, donc je reprends un peu, je reviens en arrière. Pardon, excusez-moi. Oui, moi, ce qui me fait peur avec cette histoire d'éducation populaire, ben, j'aime bien le concept, mais j'ai peur qu'en fait, à un moment donné, en figeant un cadre, on perde en dynamique et que finalement, ça devienne quelque chose de formel qui ne sera plus en harmonie, ça va un peu bisounours, mais en harmonie avec ce qui se passe au quotidien, et que finalement ça devienne une sorte d'éducation nationale bis. Et voilà, moi je pense que ce qui serait important dans l'éducation populaire, c'est de se souvenir que c'est populaire et qu'on n'a pas forcément besoin d'un autre cadre que le peuple pour la pratiquer. Oui, moi je suis d'accord sur le problème de l'éducation populaire, mais par rapport aux élus, moi, c'est là où je veux intervenir. C'est comment les contrôler. Comment les contrôler, comment les élire. Pardon. Si, alors, je crois que quand on les élit, d'abord, quand on les élit, il faut qu'on puisse les contrôler. Et le moyen de les contrôler, c'est, ils ont un programme. On leur demande, lors de leur session, de faire une profession de foi, pardon. Non, voilà, exactement, une profession de foi. J'ai été élu sur ça et ça. Si je ne respecte pas ça, je suis viré. Il y a une commission qui contrôle à chaque vote que les personnes suivent leur programme. S'ils ne le font pas, ils dégagent. Il y a un suivant. D'autre part, j'ai la blobotte parce que j'ai. Et par ailleurs, je pense qu'il faut permettre à l'ensemble des personnes et non pas seulement aux technocrates, aux énarques, etc., d'être élus. Et un des moyens, moi j'ai été candidate dans des élections et j'avais pas la possibilité de faire, de véritablement faire ma campagne. Pourquoi ? Je sais pas, il y a un truc en dessous ou quoi ? Pourquoi ? Parce que l'employeur ne me permettait pas de prendre des heures, même sur mes congés payés, pour les avoir. Et ça, je crois que ça doit rentrer dans la loi, et qu'y compris après, quand on a notre mandat, on doit pouvoir retrouver son travail. Or ça, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que les employés du privé ne peuvent pas être élus, quasiment, ou à travers seulement les partis. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, on touche sur le point de la professionnalisation du politique. Donc, qui est une question fondamentale. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on a besoin de politiciens professionnels ou pas? Et je pense que c'est une question fondamentale à plusieurs titres, parce que d'un pan, il nous faut quand même un professionnalisme, des compétences, enfin, beaucoup de choses que tout un chacun ne peut pas gérer, à mon avis. Hein, Je ne me sens pas. Moi, je ne me sens pas d'être ministre de l'économie demain matin, personnellement. Quoi. Mais ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire ? Alors, pour revenir justement sur ce que tu disais, on a montré que justement, quand on confiait une entreprise à ses ouvriers, et les bénéfices devenaient beaucoup plus importants après, parce que les ouvriers possédaient la possibilité de gérer l'entreprise eux aussi. Il n'y a pas que des grands financiers, des gens qui sortent des grandes écoles, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, on nous a trop dit que on était dirigé que par des gens qui sortent d'école, parce que eux savent mieux ce qui est bon pour nous, alors que concrètement, ce que nous, on vit, ils ne peuvent pas le vivre. Quand vous parliez des 60% à l'Assemblée nationale, c'est ça ? Qui sont fonctionnaires ? Certes, ils sont fonctionnaires, mais ils sont pas fonctionnaires comme un fonctionnaire de la SNCF. Faut pas déconner, ces gens-là, ils sont payés avec des salaires qui sont énormes, et du coup, ils sont eux aussi déconnectés des fonctionnaires qui de la base, quoi, de la souche. Il est pas postier, le gars, il a pas le même salaire, du coup, lui aussi, il est déconnecté, même s'il est fonctionnaire. Donc voilà. Je vais rendre le micro, voilà. Merci beaucoup. Oui, donc sur ce point-là aussi, comme ça a été très bien dit, plus on a des gens qui ressemblent, et comme ça a été dit tout à l'heure également, plus on a des gens qui représentent en termes de structures socio-économiques, genre, etc., la société, plus on a des résultats qui s'approchent de ce que veut la majorité de la société. Mais ceci devrait se faire naturellement dans la démocratie. Donc, comme on l'entend, il n'y a pas de raison qu'on ne vote pas pour des jeunes. Enfin, il y a aussi nous-mêmes qui sommes toujours dans une dialectique de voter soit pour la gauche, soit pour la droite. Et il y a très peu de nouveaux partis, de nouvelles personnalités qui émergent. Et là, il y a peut-être aussi des questions à se poser nous-mêmes sur pourquoi est-ce qu'on vote que pour ça et pas pour des nouvelles personnes. Est-ce que... Alors, premièrement, ça fait deux fois que j'interviens, donc je vous encourage à intervenir aussi, parce que pour rebondir sur ce que la dame a dit tout à l'heure, enfin, non, je sais plus qui fait, je crois que vous avez dit bravo, effectivement, pour l'éducation populaire, ben moi, je pense que là, j'y participe à plein, j'apprends plein de trucs, donc voilà, si vous intervenez, voilà, je vais apprendre des choses. Je voulais dire que sur la commission France-Afrique, j'ai appris beaucoup de choses, par exemple, j'y suis venu 4 jours, voilà, et le garçon qui est intervenu tout à l'heure, c'était un des... Alors, je suis pas d'accord avec tout, hein, évidemment. Hein. D'ailleurs, comme tout à l'heure, pour finir sur un point. Par contre, sur la représentativité, je voudrais citer un cas qui a fait beaucoup débat. Alors, je vais pas parler de son salaire, effectivement, qui est choqué, mais j'admire Carlos Tavares. Voilà, il a sauvé beaucoup, beaucoup d'emplois. Donc, faut pas l'oublier, quoi. Voilà, c'est tout. Je pense pas qu'on puisse être. Je pense pas qu'on puisse te dire demain matin parce que tu es ouvrier chez, enfin ouvrier ou même cadre hein, chez Peugeot. Voilà, tu vas diriger Peugeot. Je pense que c'est vraiment des gros bateaux. Et juste pour répondre par rapport aux boîtes où ce sont les ouvriers qui ont pris en charge la boîte, bon, des scopes, des choses comme ça. C'est vrai que bon, on manque de petites boîtes, donc ça serait peut-être pas mal de développer ces affaires-là. La seule chose, c'est que je pense pas que ça concerne, enfin, ce que tu as dit, des boîtes où il y a des gens qui sont pas trop éduqués, qui vont s'occuper de leur boîte, tu vois, des ouvriers, etc. Ouais, enfin, ouais, d'accord, mais je pense que c'est des boîtes qui font moins de 400, 500 salariés. À part des tickets restaurants, où effectivement c'est une exception, mais ils ont une sorte de monopole en même temps. J'en connais pas d'autres, personnellement, hein, tu vois. C'est voilà. Bon, après, ça va être la structure. Voilà. Merci. Excusez-moi, vous pourrez reprendre le fil du débat sur la démocratie ou la représentation démocratique, mais je voulais en profiter pour essayer de vous apprendre quelque chose, parce que l'éducation populaire, ben, dans les faits, c'est quand même ça, puisque c'est une connaissance un peu bizarre, mais assez intéressante. Je vais vous apprendre à compter sur vos doigts d'une autre façon. Pour ça, il faut que vous regardiez vos doigts, ça va être en 5 minutes, même pas, hein, même pas, en 5 minutes. Ah oui, alors je vais le faire tout à l'heure. En clôture. Est-ce que... Moi, la remarque, c'est je comprends pas avec la démocratie directe comment on va faire pour avoir des pouvoirs parallèles. Parce que plus ou moins, j'ai l'expérience des dictatures, des propagandes, des peurs, des angoisses des gens, éduqués, esprit ouvert, mais dans la peur. Comment on va résoudre le problème de séparer le pouvoir juridique, législatif, des journalistes? Tu peux parler pour nous, là. Oui, donc là se pose la question, cher Montesquieu, de la séparation des pouvoirs. Et elle pose aussi une très bonne question, qui est le pouvoir des médias, tout simplement. Parce que les médias sont non régulés, donc ils appartiennent généralement à des gens très riches, parce qu'ils perdent de l'argent, car le nouveau modèle numérique actuel empêche finalement de gagner énormément d'argent en ayant un média. Donc la plupart des médias perdent de l'argent. Et donc, sur ce point-là, la séparation des pouvoirs n'a pas à changer parce qu'il y a une démocratie directe, mais plutôt servir de levier, je dirais, de législatif, de nouvelles idées de législation sur, par exemple, prenons le cas des médias, sur « aujourd'hui, il n'y a rien ». Parce que si les politiques s'attaquent aux médias, ben, ils ont de fortes chances d'en prendre plein la gueule, donc c'est pas dans leur intérêt. Donc, venant de la démocratie directe, on pourrait imaginer qu'il y a des idées qui émergent de nous, aujourd'hui même, sur qu'est-ce qu'on devrait faire simplement avec les médias, comment on les régule. Je pense qu'il y a une question fondamentale de régulation des médias, y répondre est beaucoup plus complexe. Les votes encore qui vont décider régulièrement, organiser, désorganiser. Non, c'est toujours la même structure, c'est-à-dire que si on arrive à réunir, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de 1 million de personnes pour réguler les médias, on vote sur la régulation des médias, et là il y a des commissions qui sont mises en place pour faire respecter ça. Mais c'est des élus qui sont pas élus, c'est des gens qui sont élus pour faire respecter cette décision, simplement. Si on veut changer la société, je pense qu'il faut nous parler, il nous faut d'abord parler du pourquoi et du comment. Mais avant de parler du comment, il nous faut parler du pourquoi. Et avec Nuit Debout, je pense que nous sommes en train de rentrer dans une phase de transition politique. Et dans transition, il y a transir. Et transir, ça veut dire mourir. Il faut qu'on meure à ce qu'on était pour qu'on renaisse à autre chose. Je vais vous plus ou moins vous lire un truc que j'avais écrit à destination d'un groupe de réflexion. Ouais. C'est la totalité du champ proposé aujourd'hui à l'activité humaine afin de se définir à la dimension planétaire. Globalement, l'activité économique de l'humanité est prise dans son ensemble à changer d'échelle. On le sait tous. Mais en passant au tout de la planète et de l'espèce, notre réalité personnelle à chacun n'est pas seulement sollicité par un changement de dimension, mais par un changement de nature. Ce sont nos schémas mentaux, nos structures sociales et nos institutions qui en découlent, tous hérités de notre passé de conquérants, qui sont à revisiter. C'est un passé de conquérant, en effet, qui a été le nôtre jusqu'à maintenant, avec l'exercice de domination systématique de la nature, qui a accompagné et prolongé le processus de peuplement de la planète. Et sur la durée de ce parcours, appuyé sur une organisation patriarcale et pyramidale du pouvoir, avec les logiques d'entreprise, le mot entreprise est construit sur entreprendre, entreprendre ça veut dire entrer et prendre. Et le profit comme dynamique, profiter ça veut dire récupérer plus que je n'ai investi. Ce mode d'organisation est devenu obsolète, il est foutu. Nous avons à inventer les règles du comment nous voulons et comment nous allons pouvoir vivre chacun et ensemble à l'intérieur du peuple humain réuni à la dimension entière de la planète. Mais cela, sans oublier d'interroger le sens d'une telle mutation au regard du processus général d'évolution de la vie. Nous avons à interroger le sens de l'évolution et à comprendre la place qui est la nôtre dans son processus. Et sur ces bases, nous avons à réinventer notre projet de société. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté. Je reste ici quelques instants pour qu'on en discute et je vous souhaite un très bon après-midi. D'accord. En fait, ce qui est prévu sur le programme maintenant à 17h, c'est William va emmener les gens qu'ils veulent dans Paris pour leur montrer. Moi j'arrive, je débarque, je sais même pas ce qu'il va nous parler des rapports conflictuels entre l'État monarchique et le peuple de Paris. Donc voilà, c'est une visite historique de la ville de Paris. Donc voilà, si vous voulez faire une promenade cet après-midi, il va arriver et il va nous emmener faire ça. Sinon, en fait, je vais demander aussi si tu veux faire un truc. En attendant, quand vous voulez. Des personnes vont attendre maintenant pour faire cette visite de Paris qui a l'air passionnante. Et en attendant, moi je vais vous donner des éléments si ça vous intéresse pour comprendre la numérotation binaire. Parce que quand on vous dit voilà, c'est des bits 1 0 0 1, c'est quand même un peu compliqué. Alors que si vous prenez votre main et que vous regardez votre pouce et que vous décidez une bonne fois pour toutes que votre pouce vaut 1 et que le deuxième doigt vaut 2 et que le troisième doigt vaut 4 et que celui-là vaut 8 et que le plus petit fait 16, vous arrivez à toutes les combinaisons possibles qui vous donnent par exemple 1, 2, 1 plus 2, 3, 4, 5, 6, 4 plus 2, 7, 8, 9, 10, voilà, j'en ai 2, 11, 12, c'est-à-dire 8 plus 4, 13, 14, c'est-à-dire 8 plus 4 plus 2, qui est presque 16, le 16 dont je vous ai parlé tout à l'heure, 17, 16 plus 1, 18, 16 plus 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 64, 128, 256, 512, 1023 sur mes 10 doigts. Voilà, donc je ne vous demande pas de comprendre immédiatement. Hein, de temps en temps, j'enseigne ça à un gamin de 10 ans ou une gamine de 10 ans et elle pige comme ça. Quelquefois, j'enseigne ça à des gens qui ne le comprendront jamais de leur vie. En revanche, si vous arrivez peut-être à faire le rapprochement entre cette manière de vous représenter le nombre sur vos doigts autrement qu'en en cardinal ou en ordinal, en trouvant une troisième manière, ça vous ouvrira d'autres perspectives sur la mathématique ou les mathématiques. Voilà. Donc si vous voulez en discuter, discuter de mathématiques, ce sera sans l'ampli, un peu plus tard, en tout cas ici, en même temps que je fais des trucs transparents. Donc là on attend William qui va proposer donc les balades historiques.